Chez Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système Pro Trailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Lundi, on a parlé avec Daniel Delisle, le président de la Ligue de baseball majeure du Québec. On sait qu'ils se sont fait suspendre leurs activités après avoir été approuvé par le plan par Horacio Arruda pour évidemment lancer la saison 2020. Et je me suis posé des questions concernant la Ligue de baseball élite du Québec, dont il y a une équipe ici à Jonquière, les Voyageurs. Si on a peur également que ça arrive, on en parle avec le président, vous connaissez tous, Roger Bullitt. Salut Roger. Hey, bonjour Danny. Roger, après ça on va se parler de baseball junior majeur, mais je veux te parler du côté de la Ligue de baseball élite du Québec. Est-ce qu'on a peur un peu de la même situation qui est arrivée avec la Ligue de baseball senior? Non, la crainte n'est pas là du tout, parce que c'est deux situations complètement différentes budgétaires. Okay. Parce qu'on va commencer avec le senior, il y a une masse salariale assez élevé pour chacune des équipes et un budget de voyagement aussi pas mal supérieur à notre ligue. Alors, c'est pour ça qu'on parle de deux situations complètement différentes. Présentement, pour notre ligue, non, c'est pas en danger. On tente toujours de négocier avec les différents ministères pour augmenter la possibilité des foules dans les différents endroits, dont à Jonquière. OK. Mais 50 personnes, c'est ça la limite que j'ai pris et que j'ai su 50 personnes? Donc, ça veut dire ça inclut les arbitres? Présentement. Oui, ça inclut les arbitres? Non, juste les joueurs des deux équipes. OK. Juste les joueurs. Alors, c'est pour ça qu'avec Baseball Québec, Maxime Lamarche fait un travail magistral en ce sens pour trouver des solutions avec les différents ministères. Puis, on va arriver à quelque chose. Ça avance tranquillement. Mais on aimerait ça que ça soit plus rapidement, mais c'est pas encore assez rapide. Parce qu'une équipe comme les Voyageurs, Roger, ça va être une perte terrible s'ils sont pas capables d'entrer du monde. Et pour tout le monde. Ouais. Mais tout le monde, hein, toutes les équipes, même avec du monde, je félicite les dirigeants des différentes équipes, dont la région à Jonquière. Si on parle probablement d'au moins 20 000 $ à 25 000 $ de pertes par équipe avec pas de spectateurs. Et même si on augmente à 150-200, la perte va juste baisser à 20 000 au lieu de 25 000. OK. Donc, dans ce temps-là, ça aurait été-tu mieux de fermer? Je te pose la question. Parce qu'une équipe, on les veut 25 000. Non, c'est parce que... Ouais. Lorsque j'ai commencé à jaser avec des équipes, c'était unanime. On a fait cette saison-ci pour faire jouer les jeunes. Okay. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut s'assurer que les jeunes soient capables de jouer au baseball. Et les différents gouverneurs ont tous dit, mais on est prêt cette année à réserver une perte pour permettre aux jeunes de jouer. OK. Okay. Donc, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends d'ici à peu près... C'est quoi la limite dans un monde idéal là, pour le plus possible? Tu vas me dire, c'est normal. Là? Mais, non, nous autres, si ça se maintient à 50, ça va être difficile. Ouais. Et on va continuer à jouer. J'ai pas d'équipe encore une fois qui m'ont dit qu'avec le 50, on ne joue pas. Okay. D'ailleurs, quand on a commencé la saison, dans notre perspective, il n'y en avait pas de spectateurs. OK. Okay. C'est quoi les Alors, revenus, c'est pas cette raison-là. Mais comment dire, c'est quoi les. même encore, non. Les revenus, les derniers, sont comme dans l'unité. Il y a quelques équipes qui sont chercher des commanditaires locaux pour la Ligue, non. Absolument, la Ligue a toujours des partenaires majeurs, mais cette année, avec justement 20 matchs, on n'a pas sollicité ces gens-là. Okay. Mais si on regarde autour de chacune des équipes, on attend toujours la réponse du ministère. On s'attend à une réponse positive, parce qu'on a un problème. On a des parcs et des stades. Je donne l'exemple, les stades, ça comprend Jonquière, Trois-Rivières, Québec et Granby. Les autres, c'est des parcs municipaux. Fait que c'est pas tout à fait la même réglementation. Et c'est ça qu'on essaie de stabiliser présentement. Est-ce que les villes sont accommodantes dans un cas comme ça? Oh, les villes me disent une chose. Les villes ont été... on travaille en collaboration avec eux autres. Ils font leur possible pour accommoder les équipes. Les autres, écoute bien, les villes, c'est pas compliqué. Ils attendent juste d'avoir des directives du gouvernement, des différents ministères, et pour les appliquer. OK. Donc, on va suivre ça après. Roger, puisque je t'ai, on va parler maintenant de ce qui se passe. Une nouvelle qui est tombée cet après-midi. Bob Sebra, moi, je m'en rappelle très bien. C'est un lanceur qui avait été acquis des Rangers Texas autour de Pete Incaviglia, qui était un frappeur de puissance. Un des rares qui a passé directement du collège au majeur. Bob Sebrun. D'ailleurs, ouais. la seule fois dans l'histoire du baseball qu'un premier choix de pêchage a été échangé. Ouais. La seule fois. OK. Pourquoi Caviglia, est-ce que les expos dans le temps, parce que moi je me rappelle, j'étais jeune, je me rappelle très bien l'histoire, là. Pourquoi Caviglia, il voulait passer directement au majeur, les expos ne voulaient pas le faire ou quoi? Non, il ne voulait pas jouer à Montréal. Ah, il voulait pas jouer à Montréal, OK. Il voulait faire un contrat pour jouer à Montréal tout au complet, lui ne voulait pas jouer à Montréal. OK. Lui. Alors c'est pour ça que le commissaire a accepté l'échange. C'est la seule fois dans l'histoire du baseball qu'un premier choix de repêchage a été échangé. OK. Donc, Caviglia, qui était un frappeur de puissance, souvent retiré sur trois prises, Bob Sebra. Écoute, moi, je me rappelle de lui, une des meilleures balles courbes du baseball. C'est juste ça qu'il y avait, par exemple. Il y avait une très bonne balle courbe, mais après ça, oublie ça. Et si la personne elle-même, c'est une bonne personne. Ouais. En tant que toujours impliqué sur le côté de la communauté, au sein de l'équipe, il était bien apprécié, sans aucun doute. Mais comme tu dis, il y avait une courbe extraordinaire, mais une balle rapide, qui voyageait trop bien l'autre bord de la clôture. Ben ouais, c'était un quatrième ou cinquième partant dans une rotation. Là. Puis je te rappelle, en 87... Oh, tu peux aller à 6. Ouais. Tu peux aller à 6, pas mal à l'aise. Ben, en 87, la rotation des partants des expos, c'était une rotation rapiécée aussi. Puis c'était taillé une place à ce moment-là. Là, aussi, faut il a fait le travail, il faut que je donne ça. Ouais, ouais. Roger, également, ben, les Blue Jays, on vient d'apprendre, je ne sais pas si tu l'as su, je pense que tu es sur la route, ils ne joueront pas à Pittsburgh finalement, ils vont jouer à Baltimore. Ça se promet, hein? Ouais. Ça m'a fait tellement penser à la situation des Expos, ben oui, ben oui. Lorsqu'on s'en allait partout. Même chose. Et à Baltimore, c'est une belle ville, ils vont être bien là. Et je pense que Buffalo, c'est un beau site aussi, à ne pas confondre. Il y a bien des gens qui ont dit pourquoi tu ne vas pas que ton club ferme? C'est parce que les facilités ne sont pas des ligues majeures. C'est ça qui est le problème. T'sais, tu vas jouer en saison régulière, quand tu es cédé des majeurs, ça va bien. Mais pour jouer une saison de 30 matchs chez vous, dans un stade qui n'est pas adéquat pour le baseball majeur, c'est... Et quand on parle de stade, on ne parle pas nécessairement le terrain de jeu. On parle des vestiaires, la salle d'entraînement, tout ça compris. C'est pour ça que le fait qu'on ait pu faire des arrangements avec Baltimore, et je trouve ça encore meilleur avec Baltimore, parce que encore une fois, ça va éviter des déplacements pour des équipes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Est-ce que pour les Blue Jays, ça veut dire quoi pas jouer à Toronto? Bon, on sait qu'il n'y avait pas de partisans, c'est sûr, mais il y avait quand même, c'est quand même compliqué. Là. Les joueurs n'auront pas... C'est pas l'idéal pour les joueurs, pas du tout. Là. Moi, mentalement, ça me fait peur. La préparation mentale des Jays va m'inquiéter à ce début de saison. Pourquoi? Parce que les joueurs étaient installés pour demeurer dans la région de Toronto. Ouais. Et là, tu t'en vas à Baltimore et tu recommences encore où on va jouer. Il arrive quoi avec les familles? Fait qu'en début de saison, je pense que le gérant va un travail exceptionnel de ramener les joueurs mentalement prêts. Est-ce que c'est pire que quand vous expose, on joue à Porto Rico? Si ça se compare à Porto Rico, ouais. Non. Non? Okay. Parce que Porto Rico, c'était un voyage d'une semaine. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais, okay. Tandis que là, tu t'en vas là pour l'espace jusqu'au mois de septembre. C'est pas tout à fait la même chose. Okay. Roger, merci beaucoup. Donc, vous êtes en onde à partir du 25, c'est samedi, je pense, le premier match, c'est ça? Vendredi. On est en onde vendredi soir. OK, vendredi soir. On va être